بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui notre cours 13 dans l'explication de Riyad al-Salihin avec le charh de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, et on est toujours dans le premier chapitre au sujet de al-ikhlas, c'est-à-dire la pureté et la sincérité dans l'intention. On est arrivé au hadith numéro 12 maintenant. Et le hadith numéro 12, c'est le suivant. An Abil Abbas Abdillah ibn Abbas ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qal an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fima yarwihi an Rabbihi tabaraka wa ta'ala qal inna Allah kataba al-hasanati wa al-sayyi'at ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة فإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها ففعلها أو فعملها كتبها الله سيئة واحدة وإن هم بها فعملها كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Donc ça, c'est un hadith vraiment intéressant. Et donc, la traduction, c'est que le hadith est rapporté déjà par Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhuma. Donc c'est le cousin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa kunya, c'est Abu al-Abbas. Et son nom c'est Abdullah et son père c'est Abbas, et Abbas son père Abbas c'est l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le frère donc de son père, et c'est le fils de Abdul Muttalib. Et son père était musulman et lui était musulman aussi, c'est pour ça qu'on dit radiyallahu anhuma, c'est-à-dire que Allah soit satisfait d'eux tous les deux. Donc Abdullah, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux étaient musulmans. Les deux étaient convertis à l'islam. Abdullah ibn Abbas, c'est un des plus grands parmi les sahaba, un des plus savants parmi les savants des sahaba, et il est devenu musulman à un âge très jeune. Hein, il a mémorisé et il a appris beaucoup. Et il a vécu longtemps après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a été longtemps vivant, et il a donc eu beaucoup d'élèves parmi les tabi'in. Parmi les tabi'in. Et il était parmi les plus savants des sahaba au sujet du tafsir du Coran. Il a rapporté de nombreux hadiths, dont ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le hadith est un hadith Qudsi. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte de la part de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a dit, certes, Allah a écrit les bonnes œuvres et les mauvaises. Les bonnes œuvres, c'est les hasanat, et les mauvaises, c'est les sayyi'at. Puis il a clarifié ce que cela signifie. Comment il écrit les bonnes œuvres, comment il écrit les péchés. Il dit, celui qui a eu l'intention de faire une bonne action et qu'il ne l'a pas faite, Allah va lui écrire comme étant une bonne action complète. Mais s'il a eu l'intention de faire une mauvaise action et qu'il ne l'a pas faite, alors elle sera écrite par Allah comme étant une bonne action complète. C'est-à-dire, il a pensé de faire un péché ou de faire quelque chose de pas bien, puis il l'a délaissé pour Allah. Allah lui écrit ça comme étant une hasana, comme une bonne action complète. Puis s'il a eu l'intention de faire une mauvaise chose, puis qu'il fait cette mauvaise chose, eh bien, ce sera écrit comme une seule mauvaise action. Donc, il y a d'autres versions de ce hadith-là qu'on va mentionner dans l'explication du Cheikh Ibn Uthaymeen. Donc, pour ce qui est de l'explication, Cheikh Ibn Uthaymin, il dit maintenant, « قَوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ كِتَابَتُهُ لِلْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ تَشْمَلْ مَعْنَيَيْنِ » المعنى الأول, كتابة ذلك في اللوح المحفوظ, فإن الله تعالى كتب فيه شيء, كتب فيه كل شيء, كما قال الله إنا كل شيء خلقناه بقدر, وقال تعالى وكل صغير وكبير مستطر, فالله سبحانه وتعالى كتب السيئات والحسنات في اللوح المحفوظ. والمعنى الثاني كتابته إياهم إذا عملها العبد فإن الله تعالى يكتبها حسب ما تقتضيه حكمته وحسب ما تقتضيه عدله وفضله. فهاتان كتابتان, كتابة سابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل, فكل واحد منا لا يعلم ماذا كتب الله له من خير أو شر حتى يقع ذلك الشيء, وكتابة لاحقة إذا عمل الإنسان العمل كتب له حسب ما تقتضيه الحكمة والعدل والفضل. ثم بين ذلك. Donc on va expliquer jusqu'ici. Le Cheikh Ibn Uthaymin رحمه الله, il dit, Allah a écrit les bonnes œuvres et les mauvaises. Et quand il dit qu'il les a écrites, ça comprend deux significations. Premièrement, la première signification, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit cela dans la table préservée. C'est-à-dire, Allah azza wa jal, dans cette table préservée, il a écrit toute chose. Il a écrit la destinée de chaque créature, de chaque être. Comme il mentionne dans le verset 49 dans Sourate Al-Qamar, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Toute chose, nous l'avons créée avec une mesure. Avec une mesure. Hein? Et le verset 53 dans Sourate Al-Qamar, Kullu sagirin wa kabirin mustatar. C'est-à-dire, toute chose a été écrite, petite ou grande. Donc, Allah Azza wa Jal, il a écrit les bonnes et les mauvaises chose dans Allah al-Mahfouz, la table préservée. La deuxième signification, lorsqu'on dit qu'il a écrit, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire yani, qu'il a écrit les choses yani, dans le sens que tout ce que le serviteur fait, une fois qu'il l'a fait, Allah a écrit et enregistré ce que cette personne-là a fait, selon ce que la sagesse implique et selon ce que la justice et la grâce d'Allah implique. Donc tout ce que tu fais, à chaque instant que tu agis, chaque chose que tu dis, chaque chose que tu fais, les anges écrivent ces choses-là. Et le Cheikh, il dit donc que ça, c'est deux écritures. L'écriture qui a précédé, c'est-à-dire celle que seul Allah connaît, parce que Allah, il a écrit tout ce qui va arriver depuis le début de la création jusqu'à la fin. Donc ça, c'est écrit, et c'est seulement Allah qui sait qu'est-ce qui est écrit par rapport à la destinée des créatures, que ce soit du bien ou que ce soit du mal, il n'y a personne qui le sait jusqu'à ce que cette chose-là se produise. Puis, la deuxième écriture, c'est quoi? C'est l'écriture une fois que lorsque les êtres humains font une action, eh bien, cette action-là, elle est écrite par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire par les anges qu'il a envoyés, et ainsi de suite. Et donc, Cheikh, il dit, selon ce que la sagesse, la justice et la grâce d'Allah impliquent. Après, il dit, le Cheikh, ثم بين ذلك أي ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني كيف يكتب فبين أن الإنسان إذا هم بحسنة فلم يعملها نعم. Il me semble que dans cette version là il y a quelque chose qui manque. Parce que dans la version que j'avais lue déjà avant, il y avait la mention que lorsque quelqu'un fait une a l'intention de faire une bonne action, puis qu'il l'a fait, Allah lui écrit cela 10 fois, hein, 10 hasanat. Et s'il a l'intention de la faire mais qu'il ne la fait pas, il lui en écrit qu'une seule. Donc ici, là, c'est comme si on dirait qu'ils ont enlevé cette... c'est peut-être une erreur d'impression par rapport au hadith. Peu importe. Juste pour être sûr que ce n'est pas une erreur d'impression, là. Donc on a dit le hadith numéro 12. Bon, dans certaines éditions, ce n'est pas le même numéro. Voici dans l'édition, une autre édition que j'ai. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. عن أبي العباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. Effectivement, il y avait une phrase qui est tombée, hein, ou qui a été oubliée dans cette version. Donc ça, il faut le rajouter. Je vais juste le rajouter ici parce que je sentais que il y avait un problème puisque j'ai lu le hadith déjà plusieurs fois et puis il manquait cette partie là. Donc la partie qui manque, ça dit وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ. C'est ça, ça arrive souvent des fois. Les gens, même des fois, ils donnent une mauvaise réputation aux éditions égyptiennes à cause de ça. Qu'est-ce qu'ils appellent les éditions commerciales, hein? Pourquoi? Parce que le but de ces éditions, là, des fois, c'est juste de faire du profit ou faire de l'argent. Donc, ils font imprimer les livres très rapidement et sans vraiment vérifier, sans vraiment faire du travail de qualité. Puis c'est pour ça que tu vas trouver beaucoup de choses qui ont été enlevées, ou bien des fois des choses qui sont en tout cas des défauts, des erreurs, des tashif, yani. Donc c'est ça qui est grave. Et donc ici, فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَكَتَبَهَا اللَّهُ تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. Donc on va faire la traduction du hadith maintenant comme il faut, maintenant qu'on a trouvé ce qui manquait. Moi j'ai une édition en arabe de poche. Donc il y a dans ce petit livre, il y a tout Riyad Salihin au complet, sauf que c'est, comme je disais, c'est très très petit les lettres, mais ça peut aider comme ça, par exemple si tu voyages ou bien si tu veux pas amener tout le livre avec toi, le gros livre, tu mets ça dans ta poche et puis tu peux réviser, tu peux mémoriser, tu peux, c'est très pratique. Donc ici c'est ça, Abul Abbas, c'est Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon ce qu'il a rapporté de la part de son Seigneur, que Allah a écrit les bonnes actions et les mauvaises actions. Puis il a expliqué cela. Il a dit, celui qui a l'intention donc de faire une bonne action et qu'il ne la fait pas, Allah lui écrit comme étant une bonne action complète. Puis si il a eu l'intention de faire une bonne action mais qu'il la met en pratique, Allah lui écrit cette bonne action-là en la multipliant par 10 ou par jusqu'à 700 et jusqu'à beaucoup de fois plus encore. Et s'il a l'intention de faire une mauvaise action et qu'il ne la fait pas, Allah lui écrit comme une bonne action. Et s'il a l'intention de faire une mauvaise action puis qu'il l'a fait, Allah lui écrit comme une seule mauvaise action. D'accord. Donc ça, ça nous montre la miséricorde d'Allah, sa grâce, hein, et sa sagesse. Et c'est ça que le cheikh expliquait, qu'il y a deux écritures. L'écriture avant, hein, c'est-à-dire le qadar, comment Allah, qu'est-ce qu'Allah a écrit dans la table préservée. Ça, c'est l'écriture précédente. Puis, al-kitab tul-lahiqa, c'est-à-dire l'écriture après. C'est-à-dire ce que Allah écrit lorsque les créatures font l'action. Allah écrit toutes nos œuvres. Et le cheikh, il dit donc, par rapport à là où on était rendu, il dit « Thumma bayana dhalik » ثُمَّ بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ كَيْفَ يَكْتُبُ فَبَيَّنَ أَنَّ الْإِنسَانَ إِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ حَسَنَةً كَامِلَةً مِثَالُهُ رَجُلٌ هَمَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ لِيَقْرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَعَدَلَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِذَلِكَ حَسَنَةً وَهَمَّ أَنْ يَتَصَدَّقَ وَعَيَّنَ الْمَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ ثم أمسك ولم يتصدق فيكتب له بذلك حسنة كاملة وهم أن يصلي ركعتين فأمسك ولم يصلي فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة فإن قال قائل كيف يكتب له حسنة ولم يفعلها فالجواب على ذلك أن يقال إن فضل الله واسع هذا الهم الذي حدث منه يعتبر حسنة لأن القلب همام إما بخير أو بشر فإذا هم بالخير فهذه حسنة تكتب له فإن عملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وهذا التفاوت مبني على الإخلاص والمتابعة فيعني كلما كان الإنسان في عبادته أخلص لله كان أجره أكثر وكلما كان الإنسان أتبع في عبادته للرسول صلى الله عليه وسلم كانت عبادته أكمل وثوابه أكثر. Donc ici le cheikh il explique, il dit que يعني, il a expliqué cela, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué qu'est-ce que cela signifiait. Ou bien, ça veut dire que le prophète s'en a expliqué cela. Hein? Et donc, c'est le prophète, justement, qui a expliqué cela. Il dit, le prophète s'en a expliqué qu'est-ce que cela signifie quand il dit que Allah a écrit les bonnes actions et les mauvaises. Et comment, yani, Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrit. Comment il écrit nos bonnes actions et comment il écrit nos mauvaises. Il explique ça. Donc, celui qui, le cheikh, il dit, celui qui fait donc, ou qui a l'intention de faire une bonne action et qu'il ne l'a pas fait, Allah lui écrit comme étant une bonne action complète. Allah lui écrit comme étant une bonne action complète. Et il donne un exemple. Il dit, quelqu'un, par exemple, il avait l'intention de faire le wudu pour lire le Coran, mais il ne l'a pas fait. Il s'est détourné de ça, il a fait quelque chose d'autre. Alors, Allah lui écrit comme s'il avait fait une bonne action complète, même s'il ne l'a pas fait. Quelqu'un, par exemple, avait l'intention de donner en sadaqa et il a mis de l'argent de côté. Il a dit, bon, cet argent-là, je vais donner en sadaqa. Mais il ne l'a pas fait. Hein? Il ne l'a pas fait. Et donc, malgré qu'il ne l'a pas fait, Allah lui écrit une hasana complète, une bonne action complète. Il dit, et si il a l'intention de faire une prière de 2 rak'at, il a dit, j'ai l'intention de faire rak'atain, mais il ne l'a pas fait par la suite. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit quand même comme une bonne action complète. C'est-à-dire, il rentre chez lui, hein, il rentre chez lui, il dit, ah, je vais faire la rak'atain. Et yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, la taj'alou buyutakum maqabir. Yani, c'est-à-dire, ne faites pas vos maisons devenir comme des cimetières. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'on n'a pas le droit de prier dans les cimetières. Donc, il faut faire quelques prières surérogatoires à la maison. Et beaucoup de gens, parfois, ils oublient ça. Ils font toutes leurs prières surérogatoires à la mosquée. Quand ils rentrent à la mosquée, avant de partir, ils prient les raka'atayn. Et quand ils rentrent chez eux, ils ne font jamais raka'atayn. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il habitait à Médine. Il habitait à Mecca. Et il faisait raka'atayn à la maison quand il finissait la prière obligatoire. Et avant de partir, des fois, à la mosquée, il faisait raka'atayn chez lui avant d'aller à la mosquée. Donc ça veut dire que c'est important de faire certaines de nos prières surérogatoires à la maison. Et donc, si tu rentres chez toi, par exemple, tu dis « Ah, je vais faire raka'atayn », puis finalement, tu t'occupes par la suite, tu dis « Ah, je vais le faire après ». Tu fais quelque chose, puis après, tu as oublié de faire raka'atayn. Eh bien, Allah, il va t'écrire la hasana complètement, comme si tu l'avais fait, même si tu ne l'as pas fait. Et le cheikh, il dit la même chose pour la sadaqa, la même chose pour les autres, n'importe quelle autre action que tu fais parmi les choses de bien. Et donc, si quelqu'un pose la question, mais comment ça se fait? La personne, elle n'a même pas fait les bonnes actions, puis malgré ça, Allah, il la récompense. Hein? Et le cheikh, il répond, il dit oui, parce que la grâce d'Allah, elle est immense, elle est vaste. Et donc, si quelqu'un, il a eu l'intention de faire le bien, c'est considérer ça en tant que tel comme étant une bonne action. Hein? Parce que le cœur, il a toujours l'intention de faire toutes sortes de choses. Comme on dit, « Al-qalbu hammam ». « Hammam », ça veut dire « yahum da'iman ». Il veut toujours quelque chose, le cœur. Il pense toujours à quelque chose. Il a toujours l'intention de quelque chose. Donc, celui qui a un cœur, c'est sûr qu'il va vouloir faire quelque chose. Parfois, il va vouloir faire du bien. Parfois, il va vouloir faire du mal. Ce qu'il veut de bien, Allah lui récompense. Quand il veut faire du bien, Allah lui récompense même cette intention du bien. Et il dit, donc, quand il a l'intention de faire du bien, Allah lui écrit une hasana complète. Et il dit, et s'il l'a fait, Allah lui écrit multiplié par 10, hein, comme étant 10 hasanat, ou même jusqu'à 700 hasanat, ou même plus que ça encore. Donc c'est multiplié par 10 jusqu'à 700. Ça peut être jusqu'à 700 et ça peut être même jusqu'à plus que ça. Et le cheikh dit, c'est quoi donc, sur quoi s'est basée cette distinction ou cette différence entre 10 fois ou 700 fois ou plus? Qu'est-ce qui détermine par combien de fois la bonne action est multipliée? Le cheikh, il dit, ça dépend de quoi? Ça dépend de deux choses. Al-ikhlas ou al-mutaba'a. C'est-à-dire, al-ikhlas, c'est-à-dire la pureté de l'intention et la sincérité. Et al-mutaba'a, c'est-à-dire le suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunnah. Donc, il dit, le cheikh, il dit, plus que l'être humain, quand il fait son adoration, il est plus sincère avec Allah, eh bien, ça augmente sa récompense. Et plus il fait une action en suivant l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette adoration-là, plus que la récompense, elle est également multipliée. Donc, la base qui fait la différence entre la récompense d'une personne ou de l'autre par rapport à cette adoration-là, c'est basé sur l'ikhlas et al-mutaba'a. Ça veut dire quoi, ça? Concrètement, ça veut dire que deux personnes peuvent être en train de faire la même adoration, et il y en a un, son adoration, elle est multipliée par 10, et l'autre à côté, elle est multipliée par 500, par 700, par 1000, et, ou plus. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre les deux? Ils font les deux la même chose. Ils sont les deux en train de faire la même salat. Ils sont les deux en train de faire le même acte. Sauf qu'il y en a un, son intention, sa sincérité, son attachement à la sunna, elle est plus grande que l'autre. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux dans la récompense. D'accord? Après, le cheikh, il dit, « Wa amma as-sayyi'atu faqal wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamila karajulin هم أن يسرق ولكن ذكر الله جل وعلا فأدركه خوف الله فترك السرقة فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة لأنه ترك فعل المعصية لله فأثيب على ذلك كما جاء ذلك مفسرا في لفظ آخر لأنه تركها من جرائي أي من أجلي. Donc ici le cheikh il dit, tandis que les mauvaises actions, lorsque quelqu'un il a l'intention de faire un péché mais qu'il ne le fait pas, Allah lui écrit comme une bonne action complète. Et le cheikh il dit, c'est comme l'exemple d'un homme qui veut aller voler quelque chose, ok, et en allant voler il se rappelle d'Allah et il a peur d'Allah, alors il laisse tomber son plan de voler. Il laisse tomber le vol à cause de la crainte qu'il a d'Allah à ce moment-là. Alors Allah lui écrit une bonne action complète, hein, parce qu'il a délaissé le péché. Et il dit, mais à condition que quand il a laissé ce péché-là, il l'a laissé pour Allah. Parce que dans l'autre narration justement de ce hadith-là, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit لِأَنَّهُ تَرَكَهَا مِنْ جَرَّائِ, c'est-à-dire il l'a laissé à cause de moi. Donc si quelqu'un par exemple il s'en va pour voler, il arrive à la place où il veut voler mais il voit qu'il y a quelqu'un, alors à cause de ça il vole pas. Il vole, c'est pas parce que il a eu peur d'Allah, il a arrêté de voler parce qu'il a eu peur des gens. Alors à ce moment-là, ce ne sera pas écrit comme étant une bonne action pour lui, parce qu'il ne l'a pas délaissé pour Allah. Ou bien si, par exemple, il s'en va pour voler, ou il s'en va pour faire un péché, hein, il s'en va pour faire le zina, ou il s'en va pour tuer quelqu'un, ou il s'en va pour faire n'importe quel péché, puis il arrive en chemin, il tombe, puis il se fait mal. Hein, il se casse un bras ou une jambe, alors on l'amène à l'hôpital. Il n'a pas pu faire le péché qu'il voulait. Est-ce que Allah va lui écrire une hasana? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas laissé ça pour Allah. Il l'a laissé à cause de quelque chose qui l'a empêché de le faire. Sinon, il avait encore peut-être même l'intention de le faire malgré ce qui est arrivé. Et l'autre, il s'est fait surprendre par quelqu'un au moment où il allait voler. Hein? Donc, il avait l'intention de le faire, mais il a été empêché, donc vu qu'il ne l'a pas abandonné pour Allah, Allah ne va pas lui écrire comme étant une bonne action. Et le cheikh dit donc, فَإِنْ عَمِلَ السَّيِّئَةَ كُتِبَتْ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً فَقَتْ لَا تَزِيدٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux. Regardez, quand quelqu'un il a l'intention de faire un péché, s'il l'a fait, c'est écrit seulement comme une seule mauvaise action, comme un seul péché. C'est-à-dire qu'il ne va pas être multiplié. Son péché n'est pas multiplié. C'est seulement les bonnes actions qui sont multipliées. Tandis que les péchés sont écrits tels quels. Tu as fait un péché, tu as un péché. Si tu fais une bonne action, ça vaut 10, ou ça vaut 700, ou ça vaut plus. Mais si tu fais un péché, non, un péché, ça vaut un péché, ça va pas être plus que ça. Ça montre quoi? Ça montre à quel point Allah est miséricordieux. Et ça montre à quel point il fait des grâces à ses serviteurs. Il fait des grâces à ses serviteurs parce qu'il leur donne plus de récompenses, mais moins de châtiments ou moins de punitions pour le péché qu'ils font. Ou moins de valeur à leur péché, mais pour les bonnes actions, il leur multiplie la valeur. Donc ça, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il dit même dans le Coran, le verset 160, dans Surat Al-An'am, ce qui signifie, et quiconque vient avec une bonne action, il aura 10 pareils, c'est-à-dire 10 récompenses, ou 10 bonnes actions pareilles, comme s'il avait fait 10 bonnes actions. Celui qui fait une mauvaise action, il ne sera rétribué que pour celle-ci. Hein? Et ils ne seront point lésés. Allah ne va pas leur faire d'injustice. Le cheikh, il dit, وَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ اَعْتِبَارِ النِّيَّةِ وَأَنَّ النِّيَّةِ قَدْ تُوصِلُ صَاحِبَهَا إِلَى الْخَيْرِ قد تصل صاحبها إلى الخير وسبق لنا أن الإنسان إذا نوى الشر وعمل العمل الذي يوصل إلى الشر ولكنه عجز عنه فإنه يكتب عليه إثم الفاعل كما سبق في من التقيا بسيفيهما من المسلمين إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه والله الموفق. Donc le cheikh dit donc dans ce hadith il y a la preuve que on prend la l'intention en considération et que c'est l'intention parfois peut amener donc l'intention peut amener une personne vers le bien. Mais on a expliqué également dans le hadith précédent, lorsqu'on avait expliqué le hadith qui dit lorsque deux musulmans se rencontrent avec leur épée et que l'un tue l'autre, eh bien les deux sont dans l'enfer. Et on a dit, le sahabi il a posé la question, mais pourquoi celui qui est tué il va en enfer? On comprend pour celui qui a été tué, pour celui qui tue, on comprend qu'il va en enfer, mais celui qui a été tué, pourquoi lui il est en enfer aussi? Et ça c'est la preuve que celui qui a eu l'intention de faire un mal, mais qu'il a été empêché de le faire, donc lui, on va lui écrire comme s'il avait fait l'action. On lui écrit comme s'il avait fait l'action de ce péché-là. Et la preuve, c'est ce hadith. Lorsque les deux musulmans se rencontrent avec leur épée, celui qui tue, celui qui a été tué, sont en enfer. C'est la preuve, donc, que celui qui a laissé l'action, pas par crainte d'Allah, mais parce qu'il a été empêché de faire cette action-là, qu'il a la... il sera donc calculé comme s'il avait fait le péché. D'accord? Naam. Le hadith suivant, c'est le hadith numéro 13. Et c'est un long hadith. Donc on va lire l'histoire ensemble. Le cheikh, il cite ce hadith an Abi Abdurrahman, Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, رضي الله عنه عنهما. Donc Abdullah c'est le fils de Omar ibn al-Khattab, sa kunya c'est Abu Abdurrahman. رضي الله عنهما. Pourquoi on dit عنهما? Parce que Abdullah c'est un musulman et son père Omar ibn al-Khattab il est musulman aussi, c'est un des khulafa al-Rashidin. Il dit قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسد عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي يعني هذا دعاء يقول اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا نأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفجرت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إني كانت لابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 200 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفجرت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك، يعني من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. Ça c'est un grand hadith et une histoire intéressante rapportée par Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma. Tu connais ce hadith, Abdullah? Jamais? Ah, tu vas voir, c'est une belle histoire. Il dit, Abdullah radiyallahu anhuma, qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam raconter cette histoire de trois hommes qui faisaient partie des gens qui étaient avant vous, c'est-à-dire parmi les gens de Bani Israël. Et ils se sont réfugiés dans la nuit dans une grotte parce qu'ils étaient en voyage et ils commençaient à faire la nuit, donc ils voulaient dormir. Ils avaient besoin de se réfugier quelque part. Peut-être qu'il y avait de la pluie ou peut-être qu'il faisait froid. Donc, pour se réfugier dans une grotte, pour se protéger pendant la nuit. Mais pendant qu'ils sont rentrés dans la grotte, il y a un gros rocher qui est tombé sur l'entrée de la grotte. Et à cause de ce gros rocher, ils n'étaient plus capables de sortir de la grotte. Donc, ils étaient prisonniers. Alors, ils ont dit: il n'y a rien qui va vous sauver de ce rocher-là qui est tombé, excepté d'invoquer Allah en mentionnant les bonnes œuvres que vous avez faites. Alors, un d'entre les trois, chacun, ils ont fait un doua. Le premier, il a fait le doua suivant. Il a dit: « Oh Allah, j'avais deux parents qui étaient âgés. » Deux parents, mon père et ma mère. Ils étaient très âgés. Et l'habitude que j'avais, c'est que lorsque le soir arrivait, je leur faisais leur repas du soir. Et je préparais le repas du soir pour eux. Et je ne nourrissais personne, ni rien avant eux. Ni ma famille, ni les animaux. Je donnais à personne à manger avant mes parents. Je donnais toujours en premier à mes parents à manger avant de donner aux autres. Et ce jour-là, j'ai été retardé par des choses que je devais faire. Et donc, je leur avais pas donné la nourriture avant qu'ils dorment. Alors, quand je suis retourné, j'ai fait sortir le lait pour eux, hein, et je l'ai apporté pour qu'ils mangent avant de dormir. Sauf que quand je suis arrivé vers eux, ils avaient déjà dormi. Ils s'étaient déjà endormis. Et je n'avais pas encore donné à manger à mes parents, mais ils se sont endormis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté là, attendre qu'ils se réveillent. Et pendant ce temps, les enfants étaient en train de pleurer, hein, parce qu'ils avaient faim. Et je voulais nourrir personne avant mes parents. Alors, je suis resté là, jusqu'à ce que l'aube arrive, hein, et les enfants étaient en train de pleurer, ils attendaient encore pour manger. Mais, yani, je voulais pas les nourrir jusqu'à ce que mes parents se réveillent. Finalement, les parents se sont réveillés, ils ont bu leur nourriture du soir, le lait que j'avais préparé pour eux pour le soir, lorsqu'ils se sont levés. Il dit, « Oh Allah, si j'ai fait cela uniquement pour rechercher ton visage, c'est-à-dire uniquement pour ton plaisir, pour toi, alors libère-nous de ce rocher qui nous bloque la sortie. » Alors, le rocher s'est enlevé un petit peu, mais ils n'étaient pas encore capables de sortir complètement. Le deuxième, il a fait un doua lui aussi. Il a dit, « Oh Allah, j'avais une cousine, fille de mon oncle paternel, fille d'un oncle paternel, et je l'aimais plus que tout au monde. Hein? » Il dit, « Je l'aimais plus que n'importe quel, c'est-à-dire, je l'aimais plus fort que ce qu'un homme peut aimer une femme. Et chaque fois, je voulais, yani, profiter qu'elle me laisse, hein, qu'elle me laisse faire ce que je veux avec elle. Et elle refusait à chaque fois. Elle refusait de me laisser faire avec elle ce que je veux. Alors, une année, parmi les années, hein, il y a eu une année de famine, et elle est venue me demander pour de l'argent. Alors, je lui ai dit, je vais accepter de te donner l'argent, mais à condition que tu me laisses faire ce que je veux avec toi. Alors, elle a accepté. Un moment de faiblesse. C'est une famine. Elle a besoin d'argent, elle n'a pas d'argent. Alors, elle a accepté. Juste au moment où il est arrivé justement pour faire avec elle ce qu'il voulait faire, et dans une narration du hadith, il s'est assis entre ses jambes. Et au moment où il allait pour faire le péché avec elle, elle a dit, « Préserve-toi d'Allah et ne prends pas ma virginité, hein, excepté avec son droit, c'est-à-dire dans le mariage. Si tu veux de moi, tu dois te marier avec moi. » Alors, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il s'est détourné d'elle. Alors que c'était elle qu'il aimait le plus au monde. Il s'est détourné d'elle, il l'a laissée et il lui a donné l'argent. Il n'a pas repris l'argent, il lui a laissé l'or qu'il lui avait donné. Il dit dans le doua, « Oh Allah, si ce que j'ai fait, je ne l'ai fait que pour ton visage, délivre-nous de cette difficulté dans laquelle nous sommes. » Et le rocher s'est enlever encore un petit peu, mais il n'était pas encore capable de sortir de la grotte. Le troisième, il a fait doua lui aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh Allah, j'avais des employés que je faisais travailler pour moi, et j'ai donné à chacun d'entre eux son salaire, excepté l'un d'entre eux qui est parti et qui m'a laissé son salaire avec moi. C'est-à-dire qu'il est parti sans prendre son salaire. Alors, Moi, qu'est-ce que j'ai fait avec son salaire? Je l'ai investi. J'ai investi son salaire et je l'ai fait fructifier son argent. Alors, quand il est revenu plus tard pour chercher son salaire, il a dit, « Oh, serviteur d'Allah, il a dit, oh Abdullah, donne-moi mon salaire. Hein, donne-moi mon salaire. » Alors, je lui ai dit, « Tu vois tout ce qu'il y a là, tous ces chameaux, tous ces moutons, hein, tous ces céréales qui sont là, tout ça, c'est à toi. » Alors, l'employé, il a dit, « Arrête de te moquer de moi. Arrête de te moquer de moi. Hein? Comment ça, tout ça, c'est à moi? J'ai travaillé, je veux mon salaire. Toi, j'arrive, toi, tu me dis, tout ça, c'est à moi? Ça, c'est une grosse richesse. Ça, c'est pas à moi. » Alors, l'employeur, il lui dit, « Je me moque pas de toi. Tout ça, c'est à toi. » Alors, il l'a pris et il l'a amené avec lui. Il n'a rien laissé derrière. Il est tout parti avec. Il n'était pas obligé de faire ça. Il n'était pas obligé de fructifier son argent, de faire grandir sa richesse. Il l'a fait. Il a dit, oh Allah, si ce que j'ai fait, je l'ai fait uniquement pour ton visage, délivre-nous de ce rocher. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait sortir complètement le rocher. Il a complètement dégagé l'entrée de la grotte et les trois sont sortis en marchant. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith-là, il y a beaucoup de leçons à tirer. Et je me rappelle encore la première fois que j'ai lu ce hadith. Et je me suis posé la question à moi-même. Hein, est-ce que moi, si j'étais dans la même situation que ces trois-là, qu'est-ce que j'aurais mentionné comme action pour que Allah me libère de cette grotte, hein? Donc, ça, c'est une question qu'on devrait tous se poser. Hein? On allait dire quoi? On allait présenter quoi comme action pour que Allah nous libère? Hein? Ça nous incite et ça nous encourage à faire plus d'efforts pour être sincères envers Allah dans nos actions. Hein? Donc, le cheikh Ibn Uthaymeen, il explique ce hadith-là. On va pas pouvoir l'expliquer au complet parce que étant donné que le hadith là il est long, donc il reste pas beaucoup de temps. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va s'arrêter ici, inshallah. On commencera l'explication de ce hadith là au prochain cours, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Non, parce que le cours, la salat est dans moins de 15 minutes. Ça veut dire dans 10 minutes ça va être l'Aïcha. Donc on n'a pas beaucoup de temps. Donc on va reprendre ça la semaine prochaine, inshallah.